c'est pas vous. On va aller, pas en c'est pas vous. Pendant l'été, pas en c'est pas vous. Pour se retrouver là où la mer est bleue et le ciel merveilleux. Suivez le guide à Zanzibar. Jumbo Jumbo, bonjour bonjour, caribou, bienvenue à vous, suivez le guide, vous emmène une nouvelle fois dans l'océan Indien, l'Afrique de l'Est, en Tanzanie, au sud du Kenya, pas sur le continent, mais sur une île dont vous connaissez toutes et tous le nom, en ignorant parfois qu'elle est tanzanienne, Zanzibar, la Tanzanie actuelle. Notre guide nous l'a appris dans la première émission, est née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar, le 26 avril 1964. La Tanzanie, ce sont 945 000 km² et plus de 51 millions d'habitants, essentiellement bantous. La capitale, c'est Dodoma, située dans l'intérieur des terres, mais le principal pôle économique est l'ancienne capitale, Dar es Salaam, située sur la côte en face de Zanzibar. Les langues officielles sont le swahili et l'anglais. Zanzibar, Zanzibar, je sais même pas où ça se trouve, moi, Zanzibar. Zanzibar est un archipel formé de trois îles principales, Unguja, Pemba et Mafia, cela ne s'invente pas, plus d'autres petites îles. Unguja, appelée à tort Zanzibar, est la principale île de cet archipel et Zanzibar est surnommée l'île aux épices, épices que nous avons déjà évoquées dans l'émission précédente. Nous passons aujourd'hui de la flore à la faune et nous allons découvrir le parc national de Jozani. Il couvre 50 km². C'est le seul parc national de Zanzibar, connu pour abriter une grande population de colobes roux ou rouges de Zanzibar. Cette espèce endémique de singes est devenue l'emblème de la conservation de ce parc, reconnu en 2016, réserve de biosphère par l'UNESCO. Faisons tout de suite connaissance avec notre guide dans la forêt de Jozani, Casey, et on reste toujours zen à Zanzibar, Hakuna Matata, pas de problème. Jumbo, jumbo, jumbo, jumbo. Okay, here where we are in a part of the monkey. On est à Jozani Forest. Jozani Forest. Jozani Forest. Jozani. La forêt de Jozani. Yeah, la forêt de Jozani, Chwakabe National Park. C'est un parc national. The Zanzibar. C'est la plus grande forêt. Yeah, it's covering 5,000 hectares. Donc, ça couvre, cette forêt couvre 5,000 hectares. 50 kilometers square. Superficie de 50 kilomètres carrés. The forest is protected by the government. La forêt est donc protégée par le gouvernement. But the government, they work together with the village surrounding. Et le gouvernement travaille avec les villages qui entourent la forêt. There are 9 villages surround this area. 9 villages sur ce secteur. So protected together. Donc ensemble. They keep the forest very well and donc the la forêt animals est bien entretenue without a problem. Et les animaux y vivent sans problème. Nobody cut the forest. Personne n'abat des arbres dans la forêt. And nobody live in the forest. Personne n'habite dans la forêt. Yeah. So in our area of the forest, there are different parts you can visit. Donc on peut visiter plusieurs parties de cette forêt de Jozani. Part of the forest in main area of the forest. Donc where you can find a nature trail. C'est alors dans la plus gros secteur de la forêt, on peut voir des chemins naturels. And there's a part of the forest of the monkeys. Donc il y a le secteur alors avec les chemins, le secteur avec les singes. And the part of the mangrove. Et la mangrove. So here we are in a part of the forest of the monkeys. Donc on est dans le secteur des singes. So we're looking for the colobus monkey. Ce sont les singes colobes. Yeah. And et c'est une espèce endémique. Hein. Yeah, on en trouve juste ici sur l'île de Zanzibar. Two different species of the monkeys. Donc il y a deux variétés. There are the singes noirs. Ah, the les black singes monkey. Noirs. Ouais. And the singes rouges. Et les singes rouges. There's the red colobus. Donc les colobes. Colobus, yeah. Mm-hmm. Two different species, they're living together, they play together. Mais ils sont ensemble. Even the black and the red, they yeah, live together. The black and red, they live together. Et donc ils vivent ensemble. So we protected them. Donc ils sont protégés. We count and we take much of the red monkeys. Donc les rouges ont été comptés. They're friendly and peaceful. You can count ils sont, them. On peut les compter parce qu'ils sont amicaux et paisibles. The other monkey, you cannot count them because they are more afraid. Et les noirs, c'est plus difficile parce qu'ils sont plus peureux. Zanzibar red colobus monkey, the species of the monkey, they're endemic to Zanzibar. Donc ces singes rouges, ces colobes rouges sont endémiques, hein, donc on ne les trouve they vraiment qu'à Zanzibar. More than 3,000. Donc ils vivent en groupe. Mm-hmm. They live in a group about 30 to 50. Donc des groupes de 30 à 50 dans un petit groupe. In a big group, dans un they grand can groupe. Live at 50. peut y en avoir 50. Up to 100 in monkeys. Jusqu'à plus de 100, une centaine environ. In a group, but they live in a group. There are many more females and a few males. Donc dans chaque groupe, il y a plus de femelles que de. Il y a beaucoup de femelles et quelques mâles. There are polygamy. Ils sont polygames. They are not monogamy. Pas monogame. They share. They don't have any jealous and they don't mind. Il n'y a pas de jalousie. Oups, là, j'ai pas mis ce qu'il fallait. I didn't put the right shoes. Hein. The males they always watch the group. Donc les mâles surveillent le groupe. And the female, they always watch the baby. Et les femelles s'occupent des enfants et prennent soin des bébés. There is the one dominant male in et a group. Il y a un mâle dominant. Yeah. They are very quiet and peaceful. They are not aggressive. Ils sont très paisibles, pas du tout agressifs. They are very friendly and peaceful. Très amicaux. They usually move around from one side to the other side. They're looking for something to eat. Les singes bougent d'un coin à l'autre, ils cherchent à manger. They feed most of the leaves of the leaf shoots. Donc ils se nourrissent des feuilles, mais des petites feuilles, young leaves, les jeunes feuilles, and the young fruits, et les jeunes fruits, and flowers, les fleurs, and all the unripe fruits. Donc des fruits qui sont pas prêts à être récoltés. C'est là les singes. Donc on les entend. You have their phone number. Mm-hmm. You can call them. Je demandais si leur numéro de téléphone pour les appeler. The monkey usually, because according what do they eat, so they don't drink water. Alors, en fonction de ce qu'ils se avec quoi ils se nourrissent, ils ne boivent pas d'eau. Yeah, and they cannot digest the sugar. Ils ne peuvent pas digérer le sucre. Alors là, en fait, on est sur un petit chemin, même plus, on est sorti du chemin. Even the monkey, they mix a lot of the fresh leaves and fresh fruit and flowers. They get acidic or alkaline. Ils ont un problème d'estomac parce qu'avec les feuilles, manger les charbons de bois. Alors, ils ont des problèmes d'estomac d'acide en fonction parce qu'ils mangent des fruits qui sont pas mûrs, c'est ça. Yeah. Et donc, du coup, il y a des problèmes d'acide. Et pour se guérir, ils mangent du charbon de bois. Yeah. Oui. Yeah. And orties. Et des orties. Yeah. For the stomach pain. Pour les douleurs d'estomac. They clean the stomach. Ils se nettoient l'estomac. They treat themselves. Ils s'automédicamentent. Medicine. Donc l'équipe du parc ne les traite pas, ne les soigne pas. They cure themselves. Ils le font tout seuls avec le charbon de bois. What do the people they been burning here? So the monkey they come down, they dig out. Ah ok, il y a du charbon de bois qui est enterré. Alors là, on marche vers les singes. Colobe rouge. Alors les tongs, c'est clairement pas la bonne idée aux pieds. Ah ben voilà, il y en a un devant nous là, qui bouge pas. Les mâles, les gros. They have got a big head. Ok, il a une grosse tête. And female, they've got a small head. Ah, le mâle. Et la femelle, une petite tête. Colobus has only four fingers. Allez, colobus n'ont que quatre doigts. They've got no thumb. Pas de pouce. And they've got a five on the feet. Et le dos, en fait, le dos, le poil, la couleur du poil du dos est rouge. Et une longue queue quand même. Hein. And a long tail. Hein. Yeah, they have a really long tail. Long hair. Les cheveux longs. The tail is so long, they use it for balance. Donc ils se servent de leur queue pour se balancer. They can jump from 7 to 8 meters long. Ils peuvent faire des bonds de 7 à 8 mètres. Hein. Colobus monkey, normally they can live up to 20 years. Donc les singes colobes peuvent vivre environ jusqu'à l'âge de 20 ans. And this monkey, they reach sexual maturity for 6 years. Donc ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 6 ans. Probably, you know, they get gestation period from 6 to 7 months. Ah, la gestation de 6 à 7 mois. Yeah. And they can have a baby one or two for every 2 years. Donc ils peuvent avoir un ou deux bébés tous les 2 ans. For the moment, every year. Ah, mais actuellement, chaque année. Because they are polygamy. À cause de la polygamie, c'est chaque année. Mais normalement, tous les 2 ans. When they born, baby, they are small and black colored the back. À la naissance, le dos est noir. After 3 months, after 3 months, they change mois, color. La they couleur turn change to red. Vers le rouge. So look like that one, small one. It's a black. Now it's starting to change the color at the back. Donc le petit, le bébé, le poil du dos noir, they mais actually, ça va changer. They nurse the baby for 17 months up to 20 months. Donc la maman s'en occupe de mother takes 17. Up to 20. S'occupe du bébé singe jusqu'à l'âge de 17 à 20 mois. Yeah. And after, the monkey lives his yeah, life. Lives, it just depends on. Après, yeah. Il est livré à lui-même. Yeah. They move around from one side to the other side. Donc ils se déplacent. Hein. The monkey, they always they are territorial. Donc ils ont des territoires. They don't mix together in different groups. They stay away. Ils ne se mélangent pas. They stay in their group. Ils restent dans leur groupe. Yeah, ils se mélangent they pas. Stay away each group. Chaque groupe à distance. They don't mix together different. Ils se mélangent pas. When they mix together, they fighting each other. Si les groupes se rencontrent, ils se battent. So this is the one group. C'est un groupe, mais no, ils sont pas tous ensemble. Yeah. Now they keep moving. They're moving. Donc ils se déplacent là. Donc on voit les feuilles. Hein. Quand on ne voit pas les singes, ben on voit les feuilles qui bougent dans les arbres, ou alors justement le mouvement des feuilles annonce l'arrivée. Donc c'est colobe rouge. Voilà, bon, et là il faut un guide hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Ah, là il y en a un tout près. Voilà. Et puis il passe. On peut pas dire qu'il fuit, mais là on est vraiment juste en dessous. En fait, ils n'ont pas peur. They're not afraid of us. Yes, it is. They're not afraid of us because they used to people. Donc ils ont l'habitude des and gens. And they are good under protection. Et ils se sentent protégés. Nobody kill, nobody personne touch ne them, les tue. Nobody feed them. Il n'y a pas de prédateurs en fait. They et en voilà un deuxième qui arrive. Life. Donc ils ont this une vie is how do they respect each other. Ah, donc là, il lui montre ses fesses. Yeah, so the Hakuna Matata. Ça veut dire so pas de problème. Quand il est arrivé, il s'est tourné, il lui a montré ses fesses. There Hakuna Matata all the time. No predators. Il n'y a pas de prédateurs. Nobody prays. Mm. Oui, personne ne leur fait du mal. Hein. Donc là, on en a trois quand même. And our ready colobus monkey. Une enfilade de trois. Ils sont alignés, les trois. Our ready colobus monkey, they can live many days without water. Donc eux peuvent vivre plusieurs jours sans eau. And they can't digest the sugar. Et donc ils ne digèrent pas le sucre. The other ready colobus, they drink water. Les autres boivent de l'eau. And they can digest the sugar. Ils peuvent digérer du sucre. So the other ready colobus monkey, they are bigger. Our ready colobus monkey, they are smaller. Donc, les colobes rouges ici à Zanzibar sont petits, alors que d'autres ailleurs sont plus grands. Hein. Suivez le guide est à Zanzibar, émission nature à la rencontre de la faune de Zanzibar et des singes colobes rouges, une espèce endémique de la forêt de Jozani à Zanzibar, en compagnie de Kaizi, notre guide. Là, ils bougent pas, surtout les trois là, tranquilles. They never come on human. Never come ne on viennent the human, pas. The big one, but sometimes the small one they can come on the ah, human. Parfois les petits peuvent venir, pas not the big one, not pas the les gros. Big one. Small et on bavarde et ça les dérange pas. Mais donc parfois les petits peuvent venir sur les humains. In this forest, besides the monkeys, we have other species of the monkeys. Donc il y a d'autres animals. Une autre faune en plus des singes. Cela les animaux des sangliers. Des sangliers. Yeah. Ah ouais. So the biggest animals in the forest. Les plus gros. Sangliers are the biggest. Yeah. Les sangliers sont les plus gros de la forêt. And ici, there are some of the sauche de vache. Meux. Civet cats. Ah, chat sauvage. Wild cats. Chat sauvage. Chat sauvage. Ah. C'est des mangoustes. Écureuils. Ouais. Fourmiliers. Des fourmiliers. Les animaux mangent les fourmis. Oui, les fourmiliers qui mangent les fourmis. Bush baby. Calago. It looks like a lemur in Madagascar. Ah, comme un lémurien. Yeah, comme un lémurien. And the name is? Bush baby. Bush baby. They come out at night. They make a quack, quack, quack, quack. Ah, la nuit. Donc c'est un peu comme les lémuriens de Madagascar. Mais on n'est pas très loin finalement de Madagascar. Oh là là, mais alors là, maintenant, on en a combien? On en a 4. C'est là les serpents. Les serpents. Les serpents. Il y a snakes, green mamba. Le mamba vert. Il y a des... Dangerous? Foresty cobra. Yes. Le cobra de la forêt. Python. Ah, le python. C'est là les lézards. Des lézards. And it's okay with the tongues? Avec les tongues? Okay, it's okay. Ça va? The animal, they are just very... Snakes. The animals are timid. Ah, les serpents. Snakes are timid. Timid. Voilà, ça veut dire ce sont des serpents timides. They are more afraid of the people. They run plutôt away. Les, they don't stay away. Ouais, les and they're not aggressive. Là, ils mangent là. Qu'est-ce qu'ils mangent là? Goyaves. Des goyaves. C'est là les goyaves. Donc là, il y a des. C'est un goyave. Ah, c'est pour ça. C'est un goyavier, donc ça leur plaît là. Mais là, il y en a au moins une demi-douzaine. Au moins une demi-douzaine autour de nous, hein. Maintenant. What do they do during the day? Now they are eating. Actually, they're eating, and after that, they're resting, relaxing. They do siesta. Et après, ils vont se reposer, ils vont faire la sieste. Is it better to come here in the morning or in the afternoon? Yeah, it's better to come here in the morning. C'est mieux de venir le matin que l'après-midi. Or evening. Ah, tout le matin, almost en fin d'après-midi. Almost all the time. Ah, à peu près tout le temps. But the best time to come here early in the morning and evening. Donc le mieux, c'est de venir tôt le matin et en fin d'après-midi. Ça va? Ça va bien. Là, ils sont partout. Hein. C'est pour dire, là, il y a... Là, il y a un tout petit. Hop là. Paf. Qui vient de faire un bond. Voilà. En fait, là, il y a plus de singes que de touristes. Il y en a un bébé là. Il y en a partout. C'est incroyable, notre guide lui téléphone. Téléphone sans chercher à baisser la voix. C'est pas la peine, ça, les singes réagissent pas du tout. Hein. On peut parler à voix haute. Ah, voilà encore d'autres touristes, mais ça leur est totalement égal. Le mâle dominant est là. Chaque bruissement de feuilles, en fait, c'est le déplacement d'un singe, bien sûr. Les singes noirs, on les voit pas. Parce que les singes noirs, on les voit pas parce qu'ils ont peur. Because they are afraid. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on marche dans la forêt. Attention, les serpents. Non, il y en a pas là. Puis surtout en tong, s'il y a des serpents. Bon, mais les serpents ont peur. Ils entendent qu'on le pas et s'éloignent. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que par rapport à la route, en fait, on a fait quelques mètres. Il y a la route. On arrive dans cette forêt de Josani. On est reparti. On a traversé la route. On a marché 20 mètres, 30 mètres. Il n'est pas nécessaire du tout de s'enfoncer dans la forêt pour les voir. Il y a des papillons aussi dans cette forêt de Josani, des papillons endémiques also, papillons ? Non, pas endémiques. Mais il y a une grande variété de papillons, des gros papillons, des papillons comme on n'en voit plus. Ah voilà, une belle fourmilière, un gros monticule, avec des grosses fourmis. Cassie a posé la main sur la fourmilière, avec plein de fourmis qui se sont baladées sur sa main. Elles sont grosses, elles sont impressionnantes, mais elles ne mordent pas. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que le guide, c'est pas le premier guide, mais ils sont pendant la visite, ils sont au téléphone tout le temps. Entre deux explications, téléphone, dans la forêt de Josani. Et Julias, le guide Spice Tour, c'était pareil. Tout le temps au téléphone pendant la visite. Attention à la tête. But some snakes, if you are bitten, is it dangerous? Yeah. Oui. Green mamba. Le mamba vert. Le cobra. Et le cobra. If they're big, you're gonna die. Si on est mordu et bien mordu, on peut mourir. Et how long does it take? No, you don't have time. We don't have time? Yeah. When do they bite your feet? We die. Because on meurt tout de suite. Much poisonous one. C'est très très, le poison est très fort. With the green mamba? Le mamba vert. Mais c'est surtout la nuit, hein. Dans la journée, ils ont plutôt. Et des sleep now. Ils sont pas là. Et ils nous entendent et donc ils restent à distance. Le mamba vert. Pas le mambo, hein, c'est le mamba. Everything I do, the monkey won't do. Nothing in the world, the monkey won't do. Everything I do, the monkey won't do. Nothing in the world, the monkey won't do. Dressing, the monkey dressing too. Suite de ce suivi de guide à Zanzibar avec Nicolas Koenig, un Français, directeur de l'hôtel Melia sur la côte est de l'île, une propriété d'une quarantaine d'hectares bordée d'une magnifique plage de sable blanc. À Zanzibar, on va aller à Zanzibar, pendant l'été à Zanzibar, pour se retrouver là où la mer est bleue, l'eau c'est merveilleux. Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, it's not fun. Jumbo Jumbo, Nicolas. Nicolas Koenig, vous dirigez donc cet hôtel Melia Zanzibar. Peut-on dire, alors peut-être en caricaturant un tout petit peu, que le pays que vous connaissez le moins, c'est la France? Vous avez tout à fait raison. En fait, je suis enfant d'expatrié. J'ai eu la chance d'habiter dans plein de pays d'Afrique. J'ai vécu en Iran aussi. Également. En Iran. Ah oui. Iran, c'est pas si courant. Ouais, c'est un bon jeu de mots aussi. ouais, tout à fait. Et ça, c'était bien sûr avant l'arrivée de l'ayatollah. Et puis arrivé en France, resté en France pour faire finir mes études. Et puis tout de suite après reparti par Mons et par Vaud. Quand on est enfant, souvent on rêve. Enfin moi, c'était mon cas. On regardait un globe terrestre, rêvait de voyager. Finalement, pour vous, les voyages ont toujours été une réalité, mais ont-ils été un rêve aussi? C'est vrai que c'est une réalité, mais ça reste aussi un rêve dans le sens où on a quand même beaucoup de chance de vivre à l'étranger, de pouvoir connaître ces différentes cultures. c'est pas que de connaître, c'est de vivre avec ces gens aussi, de partager des choses. Donc ça, c'est ce côté-là, c'est un rêve, c'est sûr. Donc alors français, vous avez des origines en partie lorraine, mosellane. Il y a un pourcentage en vous qui est lorrain, mosellan. Vous faites déjà le grand saut déjà en France. Hein, vous faites le grand saut du nord au sud. Hein. Voilà, du nord au sud. Je pense surtout que ma famille voulait se rapprocher un petit peu du soleil. Ouais. Étant eux-mêmes expatriés, ils ont préféré s'installer un petit peu dans le sud de la France où ils pouvaient retrouver tout le soleil, la chaleur qu'ils n'avaient pas quand ils revenaient de l'étranger. Ils avaient la chaleur dans le cœur, au nord éventuellement, ou dans l'est. Oh, ça, c'est sûr. Ouais. Ce qui fait que cette Lorraine, qui est en vous, dans votre histoire en tout cas familiale, vous ne la connaissez pas. Pas non. encore. Non, pas, c'est vrai, pas encore, parce que du fait d'avoir tout le temps voyagé, de continuer à voyager, par contre, je le porte. Mon nom de famille, c'est Koenig, ouais. Et Koenig avec le umlaut. Donc tout le vous monde. Vous êtes le roi alors, voilà. Le roi de Zanzibar. Si on veut. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde me pose la question, tout le monde me demande d'où je viens. Et très fièrement, je leur dis, écoutez, ma famille vient de Lorraine et ma famille vient de exactement Moselle. De Moselle et plus exactement de Creuswald, Sarreguemines. Ouais. Cette région. Vous êtes né en Mauritanie. Je suis né en Mauritanie. Vous y êtes resté longtemps. En fait, je pense que vous n'êtes jamais resté très longtemps partout. Tout à fait, tout à fait. Bouger après quelques années et pour de la Mauritanie pour aller au Mozambique. Mon frère est né au Mozambique. Bon, c'était pas une période heureuse du Mozambique parce qu'ils étaient en guerre, donc pas resté longtemps. Mais c'est vrai que tout ça, on a les photos, on a les cassettes vidéo, parce qu'à l'époque, on envoyait des cassettes vidéo aux grands-parents. Oui. Ouais. Pour qu'ils puissent suivre, il n'y avait pas Internet. Mais en fait, pour revenir sur la Mauritanie où je suis né. Donc juste au nord du Sénégal. Voilà, donc mon grand-père s'occupait du train le plus long du monde. Donc il y a une usine de fer à Zouérat. Lui a été là-bas pour s'occuper du train le plus long du monde. Il faisait plus d'un kilomètre. Il prenait le minerai de fer et il le transportait sur la côte, donc du désert à la côte. Et il faisait plus d'un kilomètre de long ce train. Et donc mon grand-père s'occupait de tout ça. Et quand il a été là-bas, il a amené ma grand-mère et ma mère. Et entre-temps, mon père a été en Mauritanie pour travailler. Mmh. Il faisait quoi alors votre papa? Il a rencontré, oui. Il s'occupait du chantier. Il n'était pas militaire ça, parce que sinon... Non, il n'était pas militaire. Il y a eu des vides militaires, d'expats militaires, mais ce n'était pas le cas. Non, pas militaire. Donc il travaillait sur le chantier, il a rencontré ma mère là-bas. Et je suis né là-bas à Port-Étienne, exactement. Maintenant, ça s'appelle Nouadhibou, le nom a changé. Ouais. Vous êtes retourné? Non. Non, mais par contre, ça c'est quelque chose que je vais faire aussi. Donc aller en Moselle et puis aller aussi avec mes parents sur la Mauritanie. C'est une thématique M, hein, Moselle, Mauritanie. Ouais. Cela dit, si vous retournez dans tous les endroits où vous avez vécu, vous avez un peu de boulot quand même. Entre autres, c'est vrai. Mais peut-on dire, Nicolas, que vous avez la bougeotte? Oh, on peut pas le dire, on peut l'affirmer. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Mais bon, ceci dit, maintenant avec la maturité, avec l'âge, on préfère aussi des fois un petit peu se poser un petit peu plus longtemps dans un endroit plutôt que de repartir, parce qu'à chaque fois il faut tout reconstruire. Ouais. Et en fait aimez-vous faire des cartons par exemple? De moins en moins. Mais vous en avez fait? On a fait beaucoup avec ma famille, on a vraiment beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que là maintenant on a envie d'un petit peu de se poser. Et puis quoi qu'il en soit, tous les expatriés français, surtout les gens qui étaient autour de nous et qui ont vécu avec mes parents et que j'ai connus, sont tous revenus en France. Ah ouais. À la fin, on revient tous en France, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Quand on est en France, on vit en France, on n'est pas content de ci, de ça. Quand on est en France, le français est râleur. Hein. Ouais, mais on a un pays. Est-ce que le français expat est râleur aussi ou pas? Exigeant. Hein. Exigeant. Ouais, pas facile. Mais ceci dit, on a un pays qui est magnifique et on s'en rend compte et on l'apprécie d'autant plus quand on n'y habite pas, malheureusement. Les droits sociaux, oui. Ici à Zanzibar, malheureusement, si vous n'avez pas un travail et une carte de crédit, on ne vous prend pas à l'hôpital. Ou si on vous prend, il n'y a pas de drap sur le lit, ils n'ont pas de coton, ils n'ont pas de matériel. Donc il faut vraiment être tout le temps, avoir du travail, de l'argent pour pouvoir se soigner. Alors que bon, en France, tout de même, on a des structures quand même assez formidables. Zanzibar, c'est un nom qui fait rêver. Enfin, c'est un nom, je sais pas. Il y a déjà, avant de venir à Zanzibar, il y a la magie du nom. Tout le monde a entendu parler de Zanzibar dans un reportage à la télé, dans un livre. Mais par contre, personne ne sait où est Zanzibar. Oui. Et moi le premier, la première fois qu'on m'a parlé de Zanzibar, j'ai demandé tout bêtement, très bien, mais où est situé Zanzibar? Parce que bon, on sait que c'est en Afrique, c'est une île en Afrique, il n'y en a pas beaucoup, il y a l'océan Indien, donc par contre, où est exactement Zanzibar? Très peu de gens... Totalement autonome, alors rattaché à un autre pays, et à quel pays? Ouais, voilà, donc la Tanzanie, et il y a eu ce rapprochement entre Zanzibar et Tanganyika qui a fait la Tanzanie. Mais ceci dit, Zanzibar reste un territoire semi-autonome. Ils ont leur propre président, ils ont leurs propres règles. Donc après, c'est plus des échanges un peu militaires et commerciaux entre le continent et l'île de Zanzibar. Je pars pour Zanzibar. Je pars pour Zanzibar. Suivez le guide à Zanzibar. Terminons notre conversation avec Nicolas Koenig, qui dirige le superbe hôtel Melia sur la côte au nord-est de l'île. Puis nous rencontrerons Christian Casanova, antiquaire, créateur, homme d'affaires, qui est de bons conseils si vous souhaitez, qui sait, un jour vous installer à Zanzibar. Y'en a marre, je me barre à Zanzibar. Je veux voir les nanas couleur sang de Zanzibar. Je vous raconter une anecdote. Je joue au football à l'ESCAN. Et quand on est Cannes Côte d'Azur, il y avait un bar qui s'appelait Zanzibar à Cannes. Et je me suis toujours posé la question en disant, qu'est-ce qu'il est beau ce nom? Mais je n'ai jamais eu l'intelligence de chercher où c'était. Et bien après coup, j'ai fait le rapprochement. Et c'est vrai, Zanzibar, c'est un nom qui fait rêver. Tout le monde connaît le nom, mais n'arrive pas à situer où est Zanzibar. Et c'est bien dommage. Vous êtes Nicolas à Zanzibar depuis quelques années. Finalement, c'est un long séjour, Zanzibar. Oui, un séjour de cœur aussi. J'y suis resté 4 années, je suis parti un an pour... Vous êtes reparti. Voilà, ouais. Je suis parti un an à Dubaï faire autre chose. Et puis, l'opportunité s'est présentée de revenir à Zanzibar pour travailler pour le Melia Hotel. Connaissant l'hôtel, connaissant ce beau produit. Parce que vous avez ouvert un autre hôtel. Voilà, alors 4 ans auparavant, j'ai ouvert un hôtel, ce qu'on appelle boutique hôtel, moins de 60 chambres. Est-ce que Zalou. C'était une belle expérience parce que 2 ans de construction, travailler avec les architectes, intérieur design. Ça n'arrive pas. Voilà, ouvrir un établissement, ça c'est pas le quotidien d'un patron d'hôtel. Tout à fait. Et puis après, donc 2 ans de construction, 2 ans d'ouverture, de gérer l'opération. Pendant 2 ans, l'hôtel était le numéro 1 sur l'île. Et puis revenir à Zanzibar, c'était retrouver les copains, retrouver les autorités que je connaissais, donc le responsable de la police, les ministres, tous ces gens-là qui donc après, c'est qui plus vous facile la vie. Voilà. En dehors de cet aspect professionnel, qu'est-ce que vous aimez à Zanzibar? Le cadre, c'est magnifique. Ouais. Quand je me lève le matin, je sors de chez moi, j'ai une mer bleue turquoise en face de moi. On est dans un lagon, donc vous avez marée haute, marée basse. Donc toutes les heures, le paysage est différent parce que suivant si la mer monte ou la mer descend, il y a des couleurs qui sont assez magnifiques. Le temps, il fait toujours beau. On a une moyenne de 30 degrés sur l'année. Après, les gens sont très gentils. Ils sont accueillants, surtout sachant qu'ils ont, ils ont rien, agressifs, ils vivent avec presque rien. Les pêcheurs dans les villages vivent avec 30 dollars, ça fait quoi? Ça fait 25 euros, ils vivent avec 25 euros par mois. Ils n'ont pas les mêmes attentes que nous, ils n'ont pas la wifi dans leur maison et ils n'ont pas l'écran plasma. Ils mangent vraiment un bon repas une fois par jour. Beaucoup beaucoup de riz, mais c'est une autre façon de vivre. C'est une façon. C'est pas pour ça qu'ils sont malheureux. Ils sont heureux. On va pas dire qu'ils ont pas de problème. C'est pas vrai. Ils ont leurs problèmes aussi, mais ils rentrent dans une autre problématique et ils sont moins compliqués que nous en fait. Beaucoup moins compliqués que nous. Toute conversation se termine par Hakuna Matata, pas de problème. Voilà, ça c'est alors les mots clés de l'île, c'est Hakuna Matata, donc ça veut dire pas de problème. On l'a tous entendu dans c'est le pas, Roi Lion. Voilà, c'est ça. C'est pas en référence au Roi Lion. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Non, mais en fait, pour faire une petite aparté, quand je suis arrivé la première fois que je suis arrivé à Zanzibar, Je suis dans un véhicule avec un monsieur qui me conduit à l'hôtel. Et le monsieur est au téléphone et il finit par Hakuna Matata. Et là, je dis, mais qu'est-ce que vous avez dit, Hakuna Matata? Il me dit, ouais, ça veut dire tout va bien, relax, zéro stress, comme ils disent. Et en fait, avec mon fils, quand on a vu le dessin animé Le Roi Lion, il y a une chanson, Hakuna Matata. Il a toujours aimé cette chanson. Et c'est vrai qu'elle sonne bien. Quand on avait un petit truc sympa entre nous, on se disait Hakuna Matata, sans savoir ce que ça voulait dire. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma femme, parlé à mon fils, et pour lui dire, écoute, on est dans le pays d'Hakuna Matata, donc à mon avis, ça va te plaire. Ah, c'est ça, vous parliez déjà la langue du pays, finalement. Ouais, ouais. Et en fait, donc, pour finir avec ça, il y a polé polé, ça veut dire doucement, kécho, demain, parce que tout est reporté au lendemain. Donc il y a un peu ces mots ouais, clés qu'on apprend très vite. Mais alors, quand on est patron, quand on dirige, quand on est général manager d'un hôtel comme celui-ci, le Mélia, quand on est patron d'hôtel, est-ce que ça colle bien avec vos attentes? Polé-polé, c'est doucement? Ouais, polé-polé, c'est doucement. Et kécho. Et kécho. Et remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Alors, et polé-polé. C'est complètement l'opposé de ce que je peux, ce que j'espère des gens. Bon, l'hôtel est sur 40 hectares. On ouais, a 360 employés. Mais ils ont appris à ne pas être trop polé-polé. Ah oui, non, ça c'est clair. Non, ils sont assez réactifs. On fait beaucoup de formations. Donc alors il faut savoir aussi qu'on travaille avec les gens de l'île et on travaille avec les gens du continent. Eux les appellent les Tanzaniens. Voilà, les Tanzaniens, tout à fait. On est en Tanzanie, mais pour les habitants de Zanzibar, c'est pas tout à fait pareil. Hein, non, c'est pas pareil parce que bon, ils ont une culture différente. À Zanzibar, ils sont à 90% musulmans. Zanzibar a été une colonie, la capitale d'Oman, une colonie non en fait. Oui, c'était la capitale d'Oman pendant 200 ans. Mm-hmm, oui. Mais il faut savoir qu'il y a 2000 ans, les Omanais venaient déjà ici. Parce qu'il y a un couloir qui part d'Oman, qui arrive jusqu'ici. Donc ils venaient, ils pêchaient, ils venaient s'installer sur l'île. Ils restaient 3 mois et au bout de 3 mois, le vent change et revient sur Oman. Donc ils repartaient comme ça. Et ils sont venus après s'installer ici parce qu'une des femmes du sultan a aimé l'île. Et puis c'est surtout que Zanzibar avait beaucoup, beaucoup de richesses. La population en tout cas, quasiment... 95, combien disiez-vous? Ouais, 90% sont musulmans. Alors que la proportion est différente en Tanzanie, c'est 60% chrétiens. Ou même beaucoup plus. Même plus que ça. Plus, ouais. Ouais, ils sont vraiment. Justement, je me posais la question par rapport au personnel féminin ici. Donc, y a-t-il des femmes qui sont musulmanes qui travaillent ici ou... Ah, beaucoup, hein, la plupart. Hein. Qui ne sont pas voilées? La tête n'est pas couverte. La tête n'est pas couverte. Ouais. C'est un débat en France, hein, parfois, c'est qui vrai. Se pose aujourd'hui. Ouais. Mais alors, vous, et vous avec votre équipe féminine? Dans l'hôtel, il y a deux types d'employés. Il y a les employés qui sont, on appelle ça, en front of the house, qui sont en contact direct avec les clients. Mm-hmm. Et on a les employés qui sont pas en contact direct avec les clients. Donc les employés qui ne sont pas en contact direct avec les clients, on les autorise à se couvrir la tête. Mais après, les employés qui sont en direct avec les clients, on essaye d'éviter au maximum. On n'a pas à montrer on est de telle religion ou telle religion. Donc c'est un petit peu... Ça se fait facilement. Ouais. Ouais. Mmh. Parce qu'ils sont très tolérants ici. Ils sont pas du tout dans un fondamentalisme ou ils sont pas du tout intégristes. Vous avez, quand vous allez en ville, vous avez des dames qui sont complètement couvertes, complètement voilées, dont on ne voit que les yeux. Mais ça reste une toute petite minorité. Quand ils travaillent, ils viennent dans les hôtels, ils sont déjà un petit peu plus ouverts et puis ils l'acceptent très facilement. Alors ce bel hôtel sur 40 hectares, ce Mélia, donc là on voit effectivement la lagune juste devant nous et puis derrière bah, l'océan Indien, a été construit il y a une dizaine d'années dans une architecture plutôt orientale. Un petit peu, il y a les balcons qu'on retrouve, les fameux balcons de Stone Town, les balcons de Zanzibar qui rappellent cette époque. Ouais, un petit peu de, ça c'est le sultanat d'Oman. Ouais, les Portugais aussi. Les Portugais aussi. Avant les Arabes, avant les Anglais, avant les Allemands, il y a eu les Portugais et c'est vrai qu'eux ont amené une petite touche aussi. Même dans le langage aussi, il y a certains mots portugais qui qui continuent d'utiliser. Donc en fait, donc c'est un petit peu un melting pot de toutes ces cultures qu'on retrouve aussi dans la propriété. Avec, alors ce qui est étonnant, bon, ce sont des grandes chambres, des belles chambres, des grandes chambres, ce qui, avec une grande salle de bain, ce qui m'a surpris, c'est qu'on peut choisir. Alors on peut choisir de prendre un bain, on peut choisir de prendre une douche, puisqu'il y a également une douche dans la salle de bain, mais on peut même choisir de prendre une douche à l'extérieur en étant dans sa chambre. Voilà, ça c'était une petite touche locale, et surtout sachant qu'il fait tellement beau toute l'année. Même l'hiver. Sous le même... ciel bleu ou sous les étoiles. Voilà. Ça, en fait, c'est ce qui est plus important. C'est, sous les étoiles, c'est plus sympa. Et même quand il pleut. On a des gens qui nous disent quand il pleut, ils sortent et ils vont prendre la douche à l'extérieur. Et donc, c'est un petit peu le côté un peu exotique des chambres. Et alors, et vous proposez aussi ici une restauration gastronomique de qualité. On peut aller manger au-dessus de l'eau. Enfin, on prend le ponton comme ça qui mène tout au bout. Il y a un restaurant, les. Non pas les pieds dans l'eau, mais au-dessus, hein, juste au-dessus. Ouais, et le ponton. La jetée, elle fait 150 mètres de long, et il y a un bar, un restaurant sur la jetée. Et c'est vrai que le soir, avec manger sous les étoiles et puis et sur manger sur l'eau, c'est assez c'est pas courant quoi. C'est pas courant. En côté restauration, on a la chance d'avoir 4 chefs. Donc on a un chef sénégalais qui coordonne un petit peu tout ça, mais on a aussi un chef syrien. On a un chef indonésien et on a un chef indien. Quand on fait les buffets, quand on fait les buffets à thème, tout ça, quand on mange, quand on fait un buffet arabe, c'est... Le chef est mis en contribution en fonction des thèmes. Voilà. Et quand on fait un buffet arabe, c'est vraiment la nourriture arabe. Quand on fait un buffet asiatique, on a les vrais goûts d'Asie. Et un propriétaire, alors, dubaïote. Voilà, un propriétaire dubaïote, monsieur assez formidable, qui est très riche, qui est très riche, mais très très riche. mais si vous voulez, il a travaillé pour construire sa fortune, et il est passionné d'hôtel, passionné de l'hôtellerie. Il est propriétaire de Four Seasons, il est propriétaire de Hyatt, et donc entre autres, il a construit cet hôtel à Zanzibar parce que il a eu un coup de cœur pour, il a vraiment un coup de cœur pour la Tanzanie. Il a cet hôtel ici, il est en train d'ouvrir un parc Hyatt à Zanzibar qui lui appartient. Il a 2-3 hôtels en Tanzanie, dont le Four Seasons Lodge du Serengeti. Et il est en train d'ouvrir quelques autres hôtels. Mais il y a une question que je me pose depuis le début du séjour à Zanzibar, c'est pourquoi à Zanzibar, les jaunes d'œufs sont-ils blancs? Je me suis posé la même question. Et ce qu'il faut savoir aussi à Zanzibar, c'est que les poules ont des jambes énormes, des pattes. Enfin, ce sont d'autres poules. Ouais, elles ont des pattes énormes. On a des cuisses de poulet qui sont phénoménales. Bon, voilà. Donc ça fait partie des étonnements, on pourrait se dire, la nature. Ça. Ben non, on est aussi étonné quand on mange des œufs sur le plat ou une omelette. Hein. c'est partie de ce côté exotique de l'île. Je ne sais pas si toutes les personnes qui viennent séjourner dans votre bel hôtel en particulier, le problème, c'est qu'une fois qu'on est installé ici, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Et on est bien ici, on peut passer toute la journée ici. Mais pour les courageux qui vont visiter l'île, ne faut-il pas manquer, selon vous, à Zanzibar? Alors, il faut absolument aller en ville. Ouais. Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île ne s'appelle pas Zanzibar. En fait, l'île s'appelle Unguja Island, et Zanzibar, c'est un archipel. Ouais, il y a plein de petites îles autour d'Unguja qui forment Zanzibar, en fait. Voilà, ouais. toutes ces îles forment Zanzibar. Ouais. Et tiens, je vais ouvrir une parenthèse. Il y en a une qui a un nom qui nous interpelle, nous, sans doute. C'est Mafia. Oui. Ouais, l'île de Mafia. Ouais, alors, c'est Mafia. Pas l'île de la Mafia, je sais pas, mais enfin l'île Mafia de Mafia. Je sais pas s'il y a beaucoup, du coup. Il y a eu beaucoup d'Italiens dans l'histoire touristique ici à Zanzibar. Mais je sais pas s'il y a des Italiens sur l'île de Mafia. Non, il n'y en a même pas. Des Siciliens. En fait, il faudrait que je me renseigne parce que je sais pas d'où vient ce nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Italiens ont développé le tourisme à Zanzibar. Ça a été les premiers qui ont construit les hôtels. Ça a été les premiers à faire venir beaucoup de gens. C'était plus tourisme de masse, les gros hôtels de 300 chambres, pas très chers. Et en fait, grâce aux Italiens, le tourisme s'est développé. Et puis maintenant, on parle d'une vingtaine d'années. Et donc maintenant, il y a à peu près 150 hôtels sur l'île qui sont enregistrés, qui part du 5 étoiles à pas d'étoiles. Quand on est à Zanzibar, il faut absolument aller à Stone Town, qui était la capitale de d'Oman pendant 200 ans, se perdre dans les petites rues, aller voir le marché aux poissons, le marché aux viandes, les marchés aux épices. Après, il y a aussi ce qu'ils appellent le marché aux esclaves. C'est plutôt un endroit où ils parquaient les esclaves quand ils venaient sur l'île. Malheureusement, ça fait partie de l'histoire de l'île, il faut le voir. Il y a à peu près 9000 esclaves qui transitaient par année par l'île. Après, il faut aller voir les épices, comment poussent les clous de girofle, le poivre, ces petites choses dont on utilise tous les jours dans la cuisine, mais sans savoir d'où. Ça ne pousse pas en sachet, en fait. Non, pas vraiment, non. Donc ça reste intéressant. Après, il y a des tortues à voir, des tortues terrestres qui avaient été offertes par... Comme à Oman, d'ailleurs, parce que les tortues, on va aussi les voir à Oman, hein, ouais, la pente des tortues. Alors ici, sur l'île, il y a deux tortues et des tortues terrestres. Parce que donc ces tortues terrestres avaient été offertes par le consul des Seychelles il y a très très longtemps à Zanzibar, et ces 4-5 tortues ont fait une grosse grosse famille de tortues. Il y en a certaines qui ont plus de 100 ans, et ils les ont mis sur une petite île pour les protéger. Et ça s'appelle Prison Island, qui n'a jamais été une prison en fait. C'était un centre où on mettait les gens qui avaient la polio. Sur cette île, après cela, ils ont mis les tortues. Ça reste une petite excursion sympa à faire. Et il y a les tortues marines aussi, à voir dans le nord de l'île. Vous avez plusieurs caves naturelles où l'eau de mer, par infiltration, il y a toujours un niveau d'eau assez haut. Et dedans, il y a des tortues. Alors, il y a deux sortes de caves naturelles. Il y a une cave qui est privée. Des grottes. Hein. Des grottes, merci. Et il y en a une qui est privée, pardon. Et il y en a une qui est gérée par une ONG qui s'occupe un petit peu de faire attention à ces tortues. À santé, Sana, Nicolas. Merci beaucoup. Non, merci à vous. J'espère que je me suis un petit peu battu avec mon français. Parce que vous l'avez bien retrouvé. Hein. De parler tous les jours en anglais, d'écrire en anglais et de communiquer en anglais. Penser en anglais. Penser en anglais, on en oublie un petit peu la subtilité. Non, on oublie des fois un petit peu la subtilité de la langue. Mais ça, c'est pour ça qu'à la maison, on parle qu'en français. Ah oui, c'est ça. À santé, Sana. Merci. Je vous en beaucoup. Prie. Merci à vous. Et puis au plaisir d'accueillir vos auditeurs ici à Zanzibar. Nicolas Koenig et le superbe Melia Hotel pour rejoindre Stone Town, la capitale de l'île, avant de reprendre le ferry vers Dar es Salaam. Une ultime rencontre dans le centre avec un autre Français de Zanzibar. Nous sommes dans son magasin. Suivez le guide, Thierry Georges. Je me demande, Christian Casanova, si on va commencer notre conversation en parlant de vous, ou en parlant de la musique qu'on écoute Désirless voyage. Ou peut-être commençons notre conversation en parlant de celui qui vous accueille. Enfin, c'est un personnage, mais c'est aussi le siège, la chaise ou fauteuil. C'est une chaise de la tribu Luba. Luba, c'est une tribu moitié Congo, moitié Tanzanie. Parce qu'avant la guerre de 40-45, il n'y avait pas de frontières. Toutes les tribus se déplaçaient un peu partout en Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, la tribu Luba, si je veux acheter des pièces ou quoi, il faut que j'aille au Congo. Cette chaise est assez incroyable. Hein. Ah oui, elle est sculptée dans... Si j'avais envie de la piquer, ce serait difficile. Bah, elle fait au moins 120 kilos. Je peux difficilement en sortir discrètement avec de votre magasin. Et piquer une chaise en Corse, il faut se lever bonheur. Hein. Alors, on est chez vous ici. Vous connaissez tous les secrets de Zanzibar. En fait, secret, c'est votre magasin. Hein. Zanzibar Secret. Zanzibar ouais. Secret. Ouais. Les secrets de Zanzibar. Vous avez un magasin ici à Zanzibar avec plein d'objets, d'antiquités. Ouais. Que vous trouvez où, tous ces trésors? Je prends donc un petit avion à Zanzibar, j'atterris à Arusha, dans le nord de la Tanzanie. Et dans le nord de la Tanzanie, pourquoi Arusha? Parce que c'est un airport qui est pas loin de beaucoup de choses, et assez loin de beaucoup de choses à la fois. Donc je vais à la droite, c'est Moshi. Moshi, c'est au pied du Kilimandjaro. Voilà. Là, si vous voulez, on a des artisans qui travaillent très très bien le cuir. Et après, de l'autre côté, je vais sur le lac Victoria, sur Mwenza, et j'ai des gars, on appelle ça des suppliers, des rabatteurs, qui vont, eux, dans les villages, parce que moi, j'ai pas accès au village, et qui me ramènent des lots. Parce que comme j'ai 4 magasins ici, et j'ai 4 galeries d'art dans tous les magasins, donc ça fait 4, j'ai besoin de beaucoup de pièces. Et après, le second voyage, je vais à la frontière du Mozambique, parce qu'il y a une tribu qui est très célèbre. Vous voyez là-bas, c'est la tête avec les scarifications. Oui. Donc quand ils naissent, que ce soit fille ou petit garçon, ils prennent les couteaux et ils se scarifient le visage. Et on appelle ça la tribu Makonde. Et ça, Macondé, c'est très prisé parce qu'il y en a de moins en moins. Il faut avoir un petit budget quand même hein, pour faire ça. Ou un petit, un gros, un moyen. Il faut avoir un budget, surtout cash dans la poche. Pour pouvoir mieux discuter, oui. Il faut partir avec cash. On discute quand même, parce que les prix sont marqués, mais on discute quand même. Non, je parle moi quand mais je vais acheter. Mais vous, là-bas, oui. Moi, oui. Quand je vais acheter. Non, je pensais aux clients ici aussi. Oui, on peut discuter, mais bon, moi, j'ai les prix affichés ici quand même. Oui, c'est ça. Donc, on peut toujours discuter. Dans un lot, quand j'achète un lot, il y a de très très belles pièces, comme le xylophone là-bas à Macondé. Par exemple, je peux vous annoncer le prix, c'est 6 000 $ ici. Une pièce comme ça en France, vous la touchez pas à moins de 20 000 €. Ça c'est un vieux xylophone Macondé, c'est extraordinaire. Ça c'est un bouclier Maasai, c'est un vrai bouclier Maasai. Et pour avoir un bouclier Maasai, il faut savoir que le Maasai est un guerrier. Quand il meurt, on l'enterre avec son bouclier, ses lances, ses couteaux. Donc c'est très difficile à se procurer ça. On l'a pas déterré celui-là. Non, on l'a pas déterré. J'ai eu la chance d'avoir un copain qui travaillait à l'UN. Parfois il y a des. À l'ONU en français, pardon. À l'ONU. United Nations. Voilà. Et donc parfois il y a des petits combats entre tribus rivales. Et ils vont sur le champ de bataille pour séparer les gens et ils ramassent tout ce qu'il y a. Vous êtes antiquaire Oui. On peut dire ça Oui, mais là, c'est la partie antique. Après, il y a la partie création bijoux, il y a la partie création vêtements. Mais tout est fait avec des produits tanzaniens, africains. Il n'y a rien de Chine chez moi, il n'y a rien d'Inde. J'y tiens. La rue s'appelle Shangani Street. Ah, Shangani Vous Street. Avez Kenyatta Road et Shangani Street. Ce sont les gros axes principaux. C'est les Champs-Élysées de Stone Town. Les Champs-Élysées de Stone Town, et puis tout près de l'eau, effectivement. Voilà. Pas très loin du ferry qui dépose les visiteurs. L'aéroport à quelques kilomètres pour ceux qui viennent en avion. 10 minutes en voiture. Pour ceux qui viennent en avion, c'est un magasin qui est grand, très haut. C'est une vieille bâtisse qui a été construite par... avant, il faut savoir que Zanzibar était omané, c'était sultan d'Oman ici. C'est pour ça qu'à Zanzibar, toutes ces portes, ces choses-là, c'est sultan d'Oman. Et cette bâtisse a été construite par des omanais. Toute la vieille ville, il y a quand même, on sent la pâte omanaise, quoi, de partout à Zanzibar. Voilà, et vous êtes tout près aussi de la maison natale de Freddie Mercury. Oui, il est né là. Il paraît. Non, il est né là, ça c'est sûr. Mais après, il n'a pas trop vécu ici. Vous avez la maison et vous avez aussi un restaurant. Oui. Voilà. Mercury Restaurant. Oui, Mercury Restaurant. Je dis rien. Take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's on by the way. When I grow Vous avez quitté, alors Christian Casanova, vous avez quitté une île pour une autre? Je suis né sur une île qui s'appelle l'île de Beauté, la plus belle île au monde, la Corse. Mais bon, on l'a quitté jeune parce que mon papa était fonctionnaire. Donc, quand on travaille dans la fonction publique, on va travailler sur le continent. Et donc, ça fait que je n'ai pas trop vécu en Corse, quoi. Et après, je n'ai pas trop vécu en France non plus, quoi. Et vous n'êtes pas arrivé directement donc de Corse, vous êtes parti en France, etc. Vous avez beaucoup pourlingué. Vous êtes un aventurier en quelque sorte? Non, j'ai fait une école hôtelière. Donc quand on fait une école hôtelière, on a pas mal de propositions si on veut progresser professionnellement à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger qu'en France. J'ai eu la chance de diriger, je crois, un hôtel au Touquet, Paris Plage, dans les années 90, et ça s'est arrêté là. J'ai jamais trop dirigé d'hôtel en France, voilà. Et après, je suis rentré en France parce qu'on rentre toujours vers ses racines. Et j'ai acheté une grosse société de restauration dans le sud de la France et je savais pas qu'il y avait toutes ces charges à payer. Donc au bout de 5 ans, je suis vite reparti et je me suis installé à Zanzibar. Zanzibar? Mais des hôtels avant, vous avez dirigé des hôtels ailleurs? Oui, j'ai fait Monaco, j'ai fait Dubaï, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait l'Iran, Kish, sous le Shah d'Iran à l'époque, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Europe c'est normal, quoi. Mais réellement en direction, je vous dis, j'ai dirigé qu'un hôtel en France. Ça devait être 92-93. Et je suis rentré donc dans mon pays, le plus beau pays du monde. La France. Pour moi, la France, ouais. Mais voilà, quoi, c'est... Celui d'où vous avez le, finalement, dans lequel vous avez le moins vécu. Le moins vécu, ouais, j'ai vécu jeune. Jusqu'à quand même. Présent. Voilà, oui, j'ai vécu jeune, j'ai toutes mes racines là-bas, j'ai encore ma famille. Mais c'est un super pays, c'est la France. Toutes ces régions, cette diversité, c'est formidable. Voilà. Bon, mais en même temps, vous êtes à Zanzibar et vous n'êtes pas en France. Là. Non, non, non, non, tout à fait, tout à fait. Mais je suis venu ici parce qu'ici, au moins, on a cette façon de vivre, cette farniente, cette... Bon, c'est pas parce que je suis corse, hein, mais cette douceur de vivre, là. Il y a moins de soucis, il n'y a pas de stress du tout. C'est deux choses totalement différentes, voilà. Moi, je suis ici depuis longtemps, j'évite aux gens de faire des bêtises. Donc vous savez un peu comment ça marche. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, effectivement. Voilà. Ouais. Voilà. Donc si je peux aider les gens, j'aide les gens. Et voilà. Mais il y a toutes les nationalités. J'ai aidé des Danois dans le sud. Je veux dire, voilà, parce qu'ici, ça va vite. Hein, si on ne connaît pas les tenants. Donc les personnes arrivent plein d'enthousiasme. Voilà. Et on peut vite se casser la gueule. Ouh là là, très très vite. Très très vite. Parce qu'il n'y a pas vraiment une loi bien, bien directive. Il y a, comme on dit ici, il y a la loi. Et après, il y a Zanzibar Way. Voilà, donc il faut savoir quelle voie prendre. Il faut prendre la Zanzibar Way parce que pour trouver un bon avocat, c'est extrêmement difficile. Vous savez, nous, on a un code pénal. J'ai des petites affaires au tribunal et j'ai essayé d'avoir ce code pénal pour avoir des textes de loi, pour me référencer à quelque chose, pour essayer de pouvoir me défendre. C'est impossible à trouver. Impossible à trouver. Et ça existe, mais c'est impossible à trouver. Il n'y a aucun avocat dans son bureau qui a les textes de loi. Ils ne connaissent même pas la loi. C'est, je dirais ici, c'est la loi du... Pas de l'écrit, c'est la loi du parler. Voilà, c'est le dernier qui parle, c'est le blabla. Marquez-moi, j'arrête pas de citer. Désolé, il y a des clients. Mais c'est bien, tant mieux, tant mieux, c'est votre magasin, tant mieux si ça marche. Mais il faut que j'aille vendre. Suite et fin de ce cinquième et dernier Suivez le Guide à Zanzibar avec Christian Casanova, le Corse de Zanzibar. Nous sommes dans son magasin de Stone Town et Christian évoque les modalités pour venir vivre et travailler à Zanzibar. Suivez le Guide, Thierry Georges. C'est l'amour qui vous a conduit ici ? L'amour au féminin ? Oui. Ou... Non, non, non, non. C'est pas l'amour d'une femme africaine. Non. Loin de là. Ah oui. Non, non. D'ailleurs, à ce propos, je trouve que, comme j'ai ouvert pas mal d'hôtels en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, je trouve que ça va peut-être les vexer, mais que les Africaines de l'Ouest sont beaucoup plus jolies. C'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup plus soin d'elles que les Zanzibarites ou les Tanzaniennes. Il y a un écart, je trouve, dans la féminité, dans l'allure, dans l'élégance. Alors, est-ce que parce que les Français étaient présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, qu'ici, non, je sais pas. Mais bon, et puis ici, il y en a quand même qui sont pas mal voilés, tatoués, bon, difficile. Mais je pense que l'Africaine de l'Ouest est beaucoup plus élégante, pour moi. Est-ce que du coup, vous allez, vous, à la pêche aux oursins? Parce qu'il y a tous ces oursins sur les plages. La population aussi ne les prend pas, hein, ces oursins. On ne les mange pas, me semble-t-il. Non, ils ne les mangent pas. Sait combien c'est cher. Il faut déjà les trouver. Mais moi, je les ai goûtés. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas trop de corail à l'intérieur. J'ai ouvert. Et le problème, c'est que je pense que l'océan Indien est trop chaud. On ne reconnaît pas l'oursin. Vous voyez, quand j'étais petit, on allait aux oursinades, des choses comme ça. Alors, il y a une période, on va dire la période hivernale, où l'océan Indien est un peu plus froid. Ça va faire rire vos auditeurs. Oui, là, c'est que l'eau est à 25 degrés. Oui, c'est ça. Parce que là, froid. C'est un bouillon quand même. Voilà. Là, il est à 40. Marée basse, vous mettez le pied sur le sable, vous brûlez les pieds. L'oursin, il faut faire attention, quoi. J'ai goûté, je me suis pas régalé, donc j'ai arrêté. Parce qu'il y en a de partout. Il y en a partout. De toute façon, ils mangent pas, en règle générale, les fruits de mer, vous savez, même les langoustes, les choses comme ça, c'est pas. Bon, déjà, c'est cher. Les gambas, les choses comme ça, c'est pas dans leur culture, ils mangent pas trop ça. Je vous dis, c'est le gros poisson. Plus il est gros, plus il est bon. C'est bon, d'autres questions ? Ben non, je pense que ça va aller. Merci beaucoup, Christian. Donc, vous êtes le Casanova de Zanzibar. C'est Il Capo. Ciao. Fin fin de la conversation avec Christian, le Casanova de Zanzibar. Merci à Sainte Tessana, Christian Casanova. Merci Casey, notre guide dans la forêt de Djosani. Merci également Nicolas Koenig, directeur de l'hôtel Melia Zanzibar. Réalisation Roman Feocchio. Un guide conseillé, le petit futé Zanzibar, le site internet melia.com et les sites ne manquent pas pour visualiser les colobes rouges de la forêt de Djosani. On va aller à Zanzibar pendant l'été à Zanzibar pour se retrouver là où la mer est bleue, l'eau c'est merveilleux. Là où la mer est bleue, le ciel merveilleux.